C'est plus réaliste. C'est un homme ancien. C'est un fait parce que là, on a des bonnes questions. J'ai jamais le dernier mot. Pas de gabarde. Si on juge qu'un moyen est bon pour alléger sa souffrance, pourquoi pas l'utiliser? Faut pas juste attendre la patience. Faut pas juste attendre que le temps passe. Je pense que n'importe quel moyen qu'on pense qui peut nous aider vraiment, une thérapie, une médecine douce, une médecine ordinaire, peu importe, là, tout ce qui peut exister, pourquoi pas l'utiliser puis vivre de son expérience de ça? Voilà. Ça, c'était ma question. Nous ne sommes pas toujours conscients de son refus. Comment le découvrir? Bon, j'appelle cela intelligencer un événement. Rendre intelligent dans notre conscience quelque chose que l'on vit. Rendre intelligent, cela demande évidemment un peu d'énergie. C'est sûr qu'une personne qui est en dépression ou une personne qui souffre énormément n'aura peut-être pas suffisamment d'énergie pour intelligencer sur le moment. Elle pourra être aidée par quelqu'un d'autre. La question de Claude juste avant, si on a des ressources quelque part, des thérapies, des ceci ou des cela, est-ce que ça serait bon d'y aller? Oui. Les religions sont des moyens de donner de l'énergie. Les organisations, les médecins, le centre de l'université, d'autres centres, parce qu'il y en a plein dans la région de Montréal, puis un peu à l'extérieur. Il y a des cours, il y a etc., où ce qu'on peut à un moment donné, les amis évidemment, les parents, où on peut aller chercher un peu d'énergie. Intelligencer, ça veut simplement dire essayer de purifier notre perception de l'événement, de tout phénomène émotif. C'est ça, intelligencer. Lorsque l'on est capable de purifier l'observation d'un événement, sa perception de tout phénomène émotif, on vient d'intelligencer l'événement. Lorsqu'on l'intelligence et que l'on ne fait qu'observer l'événement sans l'émotion, normalement, tout ce qui amène la souffrance dans l'événement disparaît. Si on est capable de purifier l'événement de l'émotion, on l'observe et on ne peut pas s'empêcher de l'analyser. J'appelle cela légiférer sur un événement. Donc, s'il n'y a pas d'émotion, on va être capable d'analyser d'une façon logique l'événement. Analyser d'une façon logique l'événement va, par l'intellect, permettre à l'ego, à l'âme, de pouvoir supporter, disons, cet événement. Un exemple que je donne souvent, c'est que si Allah est le meilleur Dieu, un autre va dire « non, c'est Mahomet », ben à un moment donné, quelqu'un peut dire « ouais, mais c'est le même Dieu ». Il vient de légiférer. En réalité, c'est pas le même Dieu, mais ça va lui permettre d'accepter que deux individus parlent de deux dieux, alors que lui, ben, il en a un troisième, fait qu'on dit c'est le même Dieu. L'intellect est un ajusteur psychologique. Ça permet à l'humain de pouvoir survivre plus facilement à des mécanismes de souffrance. La mère qui apprend que son fils est mort peut dire, non, non, ça se fait pas, c'est une erreur. Une erreur d'administration policière, ou etc. Elle vient de légiférer. C'est-à-dire qu'elle essaie d'ajuster psychologiquement la réalité ou l'information à ce qu'elle vit. Donc, elle doit ôter l'émotion, sinon pas rabroyer, pas en crise. Et elle va maintenant analyser pour rendre adaptable à l'ego ce qu'elle vit. Plus haut, on a l'intelligenciation, c'est-à-dire on doit intelligencer l'événement. Nous ne sommes pas toujours conscients du refus que nous opposons à la réalité. Comment le découvrir? S'il y a une souffrance, intelligençons ce qui nous arrive. Quelle raison y a-t-il d'être en train de souffrir? Y a-t-il une réalité quelconque que je refuse? Intelligencer veut dire devoir être présent lors de la souffrance. Lorsque l'humain n'est pas présent lors de la souffrance, on n'en parle plus. Si ça vous arrive, lorsque vous aurez souffert, donc après la souffrance, là vous pourrez faire un retour mémoriel et là intelligencer la souffrance. C'est un mécanisme technique qui va vous permettre d'être de plus en plus proche de la réalité dans l'intelligenciation. Et à un moment donné, lorsque vous allez souffrir, instantanément, vous allez pouvoir intelligencer la chose, l'événement, la souffrance, et le régler. Donc, c'est une pratique qu'il faut faire. On ne peut pas être conscient instantanément parce qu'on s'est fait dire qu'il fallait être conscient. On doit, si c'est après, y revenir. Puis à un moment donné, par la pratique, on finit par y être là et être vivant. Ça ne doit jamais demander d'efforts intellectuels ou d'efforts énergétiques. Ça ne doit pas vous fatiguer d'intelligencer. J'ai souffert, j'ai refusé quelque chose. Quoi? Ben, on observe. On ne doit pas être angoissé, il faut que je trouve. Ça crée une autre souffrance. Okay? L'évolution, c'est facile. C'est plaisant, c'est admirable, c'est comique, c'est au bout. Sauf quand l'être humain souffre du snobisme de l'évolution, de l'orgueil de tout savoir, du concept qui dit que moi, orgueilleux, non, moi, parfait comme je suis, je devrais être capable de savoir tout de suite. Ben là, il souffre. Alors, j'ai souffert, bon, j'avais ceci, cela, puis on observe. Pourquoi? Quel était l'événement qui m'a fait souffrir? Bon, l'événement, c'était ça. Et maintenant, je dois dire, l'événement ne peut pas me faire souffrir. L'événement est ce qu'il est. Maintenant, moi, j'ai résisté à l'événement. J'ai souffert. Et ça, intelligencé. Puis, on répond. Les allergies sont inacceptées ou refusées. Quoi comme réalité? La réalité n'est-elle pas une illusion? Les allergies sont un refus de quelle forme de réalité ou de quelle façon nous refusons les choses pour déclencher l'allergie. Il faut comprendre que l'allergie n'est pas un refus à quelque chose. L'allergie va être une expression de l'ego à un refus de quelque chose. Maintenant, il y a différentes autres formes d'allergie qui vont être une expression de l'ego par une programmation neuronique, soit génétique, soit acquise, qui n'est pas acceptable ou qui n'est pas, disons, intelligente, qui n'est pas fonctionnelle. Une allergie, l'asthme. L'asthme est une réaction allergique à la psychologie et non pas à un milieu extérieur. La réaction de l'ego, la psychologie, elle va être une réaction d'expression à une relation avec l'extérieur. Lorsque moi, émotivement, je vis une émotion quelconque, je peux rire, je peux pleurer, je peux transpirer, je peux avoir une tachycardie. Bon, je ne vis plus ça, mais c'est ce que je vivais et c'est ce que la majorité des humains vivent. Un être humain, lui, peut s'être programmé différemment lorsqu'il vit le même genre d'émotion. Son système endocrinien va sécréter autre chose et il vivra un bronchospasme, il vivra une hyperstimulation d'histamine, il vivra, etc., etc., et il aura une crise d'asthme. Lorsque, normalement, ce qui va arriver chez l'enfant, par exemple, qui commence à être asthmatique comme chez l'adulte, le médecin ainsi que l'entourage vont instruire l'individu comment devenir un parfait asthmatique. Parce que normalement, il y aura une expression particulière du phénomène de l'asthme. Et là, on va lui dire, maintenant, c'était asthmatique. Là, vous faites attention à ça. C'est une panoplie de choses qui, normalement, n'entraient pas en résonance avec son allergie. Et on va l'instruire comment être asthmatique. C'est souvent ce qui va arriver. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Bon, pour tous les médecins qui font ça, il y a des maudits bons médecins sur la planète. Il y en a d'autres qui sont très charlatans, puis il y en a qui sont entre les deux. C'est normal. Bon. Alors donc, les formes d'allergie dépendant des allergies. La fièvre des foins va être une hyperstimulation, par exemple, des fosses nasales, des cloisons nasales, qui vont être hyperstimulées par une expression de l'ego. Au lieu de faire battre le cœur, ben ça fait que la cloison devient hypersensible, sans doute suite à une insécurité de l'ego, et cette insécurité va se transférer au niveau des cloisons nasales, par exemple, ça peut être aussi au niveau oculaire, par une hypersensibilité, et le moindrement qu'il y a un petit grain de pollen qui rentre là-dedans, tout le corps réagit comme si on venait de rentrer un tournevis, puis évidemment, ben là, il broie, il sécrète au coton, puis il réagit, disons, d'une façon trop ample à une lutte qui n'existe pas. Donc, c'est un refus de l'ego ou une réaction qui n'est pas nécessairement un refus, qui fait que, au lieu de s'exprimer par les voies biologiques, disons, normales ou naturelles, vont s'exprimer par des voies qui vont être acquises ou données génétiquement. Et ces voies-là devraient être changées par la chirurgie neuronique, la neurochirurgie, mais on n'en est pas encore là. Elle peut être changée par la reprogrammation mentalo-astrale, ce qu'on peut faire par exemple au niveau des PMC, ce qu'on va faire aussi dans d'autres formes de techniques à l'extérieur. Donc, c'est des choses qui devraient être reformées. On doit reprogrammer les mentales et les psychologies des individus. Ce n'est pas un refus, c'est l'expression biologique qui est une connerie dans les allergies. Tu as dit que le bateau qui est dans l'écluse attend que l'eau se remplisse pour aller dans le Pacifique. Le secret de l'évolution se fait toujours en têtant le plus évolué. On peut têter des égrégores et va-t-on évoluer plus? Bon, effectivement, le terme têter est un terme extrêmement intéressant. C'est souvent employé par les personnes du PMC parce qu'à un moment donné, on finit par prendre des termes pour obliger l'ego à ne pas trop se prendre au sérieux. Effectivement, lorsqu'un verre d'eau est froid, si on met un verre d'eau chaude à côté, le verre froid va tendre à têter la chaleur du verre chaud pour augmenter son potentiel énergétique, ce qui fait que le verre d'eau froid, chimiquement ou disons physiquement, évolue, se réchauffe, tandis qu'il oblige le verre chaud à évoluer. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui a besoin de vous, qui vient vous têter en énergie, ben quand vous avez fini avec lui, vous êtes fatigué. Lui, il sent bien. Mais c'est ça, il y a eu un équilibre. Donc, effectivement, l'évolution de l'homme est de ramasser de l'énergie. Et l'humain s'adresse toujours à des dieux, à des maîtres, à des gourous, à des divinités, à des ceci, à des cela, plus énergisés, auxquels il va s'accrocher. Lorsque l'on fait une offrande à Dieu, ben on fait un chantage. Tu sais, là, je t'ai allumé trois cierges, asti. Tu pourrais me guérir, mon doigt? Bon, j'ai monté toutes les marches à genoux, OK? Là, mais rendu en haut, faut qu'il se passe de quoi? Sinon, m'a douté en tabarnouche. Chantage. Dans l'Antiquité, on disait simplement, tu nous amènes des moissons, sinon je tue lui. Bon, ben là, on le tuait. Là, c'est une offrande. Ah, il y en avait un autre. Il n'y en avait pas un autre, tabarnouche. Mais quand il était écœuré d'en avoir, ben là, il donnait ce qu'on voulait. Bon, du chantage. Alors, effectivement, l'être humain est tête. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que les énergies qu'on appelle supérieures se laissent têter. Parce que les énergies supérieures sont en train de descendre. Alors, plus ils vont donner le temps qu'ils ont, lorsqu'ils vont arriver en bas, il y a des chances que l'homme les récupère et que l'homme remonte avec. Vous êtes un riche, il y a une panoplie de pauvres, les pauvres sont capables de vivre. Mais le riche sait très bien qu'à l'état de pauvre, il ne pourra plus vivre. Alors, si pendant qu'il a la richesse, il donne aux pauvres, lorsqu'il deviendra pauvre, parce qu'il y aura une crise économique à un moment donné, pas parce qu'il l'aura donné, ben les pauvres vont le recevoir. Donc, il descendra pas plus bas, là, il risque de pouvoir fonctionner. Ben, c'est un peu le phénomène des énergies supérieures. Alors, si on parle de têter un égrégore, il y a différentes formes d'égrégores. Il y a les égrégores qui sont dans le ciel, dans le monde de la mort, les égrégores qui sont théologiques, spirituels, divins, religieux, etc. Les égrégores qui sont nationales, familiales, les égrégores qui sont d'une collectivité politique, les égrégores qui sont marginales. Il y a une panoplie d'égrégores. Têter ces égrégores n'est pas de l'énergie supramentale. Il y a aussi la phénoménologie qui permet à l'humain de construire un égrégore mental qui n'est pas non plus de l'énergie supramentale, mais qui permet à l'humain, lorsqu'il baisse en énergie mentale, d'être rempli par l'égrégore. Donc, l'humain finit par, lorsqu'il en a trop, donner à l'égrégore, lorsqu'il en manque, têter l'égrégore, ce qui lui donne un cheminement plus constant au niveau mental. C'est ce que les religions permettent à l'homme. Les religions sont des égrégores astrales, des égrégores spirituels placés dans le monde de la mort, dans le ciel. Et lorsque l'humain se sent mal, il prie. Lorsqu'il prie, il remonte. Lorsque l'humain est joyeux, il remercie le ciel, il donne. Alors l'humain, dans un phénomène égrégore spirituel, donc c'est intelligent dans les religions, garde une espèce de constante de cheminement. Sauf que lorsque je parlais, si on parle d'énergie supramentale, on parle aussi de la vie, de l'instantanéité, de la réalité. Têter un égrégore peut être bon, sauf que l'égrégore que l'on tête, s'il est astral, donc s'il est spirituel, demandera toujours à l'être humain qui tête d'être assujetti à lui. Donc, si on veut têter un égrégore astral ou spirituel, il y a le danger d'être manipulé et de ne pas pouvoir s'en sortir. Tandis que si on veut têter un égrégore mental, on devra se rendre compte qu'on doit être mental pour le têter. Si on est mental, bien souvent, on ne voudra pas le têter parce qu'on n'en verra pas l'utilité. L'égrégore mental va remplir lorsque ce sera nécessaire et il va puiser lorsque ce sera nécessaire. L'humain n'aura plus à choisir. Voilà pour les têtages. Question personnelle. Quelle est la cause du bégaiement? Pourquoi le contrôle total est rarement obtenu? C'est intéressant. Le bégaiement naît d'une panoplie de phénomènes. Alors, j'énumère comme ça ici, là, mais on ne peut pas régler ça ce soir. Première chose, lorsqu'un être humain a un contact énergétique, soit astral, soit supramental, donc soit mémoriel collectif, soit intelligent, si ce contact est trop rapide, il bégayera. S'il vient pour dire quelque chose long comme ça, mais que l'énergie, parce qu'il faut comprendre que le temps matériel n'est pas le temps psychologique, ce n'est pas le temps mental, ce n'est pas le temps supramental. Lorsque l'humain vient pour dire ben c'est ça, il y a trop d'énergie qui vient pour passer en même temps, ça passe plus. Alors, tout est dans la tête, mais ça passe plus. Bon, faut qu'il arrête, faut qu'il coupe, faut qu'il fasse comme je fais de temps en temps. Puis après ça, il continue. Il y a donc une forme de bégaiement qui va être un manque du centre laryngé à interpréter la pensée ou le contact avec les plans astraux supramentaux pour pouvoir les transmettre en parole. L'être humain, à un moment donné de son évolution, est devenu sexué, il y a eu les hommes et les femmes, simplement parce que l'énergie vitale qui lui permettait une procréation hermaphrodite, à un moment donné, a été scindée en deux. Une partie a construit le centre, le cortex, disons, cérébral de l'homme, un cortex associatif entre autres, permettant un jour la possibilité du mental d'apparaître, et l'autre partie a créé le centre laryngé. L'autre moitié complète resservait à la procréation. Maintenant, du 100% d'énergie vitale nécessaire, il lui en manquait 50%. L'homme est devenu sexuel, 50% femme, 50% homme, puis on arrive à procréer. Lorsque le centre laryngé, soit parce que génétiquement n'a pas été suffisamment développé, le centre laryngé est développé par la procédure biologique et la procédure vitale qui orchestre la gestion biologique de la maturation du centre, du larynx. Si ce n'est pas suffisamment développé, ça ne pourra pas interpréter suffisamment la pensée, la parole ou le contact avec de l'intelligence et il y aura bégaiement instantané qui peut être tout le temps. Il y aura un bégaiement qui peut être psychologique, le refus de l'ego de laisser s'exprimer des choses. Alors encore là, l'âme va créer, comme elle peut créer des cancers, comme elle peut créer des problèmes cardiaques, comme elle peut créer des ulcères d'estomac, elle peut créer aussi une dépression du centre laryngé qui va faire encore une fois que la personne va bégayer. Dans ce cas-là, la cure est une cure psychologique. Dans le cas d'un phénomène biologique à ce niveau-là, il faudra que l'individu arrive à manipuler suffisamment les énergies qu'il veut passer pour les passer à un rythme suffisamment lent. Il y a donc une panoplie de phénomènes au niveau du bégaiement. Le contrôle total est rarement obtenu pour la simple raison que le contrôle du bégaiement n'est pas la solution du bégaiement. C'est un palliatif. C'est une question extrêmement intéressante. Disons que je me plairais énormément de fouiller loin là-dedans et d'en parler, mais dans la période de questions, je ne peux pas trop y arriver. À un moment donné, il faudra évidemment qu'on fasse quelque chose parce que le bégaiement est un problème majeur chez celui qui bégaye. C'est un problème même d'évolution. L'être qui bégaye peut être extrêmement évolué, mais il y aura un maudit problème à pouvoir continuer son cheminement seul s'il bégaye tout le temps. Parce que la parole devient un des phénomènes, disons, privilégiés de l'homme nouveau. Et évidemment, celui qui bégaye, le bec, va aussi arriver à la parole sans bégaiement. Sauf qu'évidemment, pendant ce temps-là, il y a un maudit problème. Or, à un moment donné, sans doute qu'on va s'y attaquer convenablement. Me dirais-tu pourquoi, lorsque je t'entends en conférence ou sur cassette, il m'arrive de brûler intérieurement comme une torche sans raison apparente? Ça fait très mal, c'est comme une déchirure. Je me dis, Daniel Kemp, fini, je n'en peux plus. Aussitôt le feu éteint, je ressens une attirance à revenir t'entendre. Qu'est-ce qui se passe? Bon, soit que t'es fou ou folle, ce qui se peut. Bon, qu'est-ce qui arrive simplement? Il arrive juste ceci, c'est que Daniel Kemp, lorsqu'il parle, émet de la parole. Il émet beaucoup plus d'énergie que de parole. Les conférences sont beaucoup plus énergétiques que, disons, orales. C'est sûr que les personnes qui viennent pour la première fois ne le savent peut-être pas, mais il va se passer différents phénomènes comme ça. Premièrement, il y aura la lutte de l'ego à résister aux brisures de choc ou simplement à la pénétration d'énergie qui augmente le potentiel de l'individu. Ce n'est pas mon énergie, c'est de l'énergie. Cela peut engendrer dans l'âme, dans l'ego, comme dans le corps vital, dépendant de différentes choses, une panoplie de réactions. Les plus fréquentes que l'on voit en conférence, ce sont les personnes qui ne se lèvent plus. Bon, c'est l'entraque ou c'est la fin de la conférence, les personnes, là, ils se lèvent pas, ils attendent. Ils applaudissent plus, ils sont plus capables. Il y a des personnes qui partent et qui titubent un petit peu ou qui sont comme un peu chaudes. C'est un phénomène énergétique. Bon. Il y a autre chose qui peut arriver, les personnes, à un moment donné, vont justement vivre ce genre de symptômes. Vitalement, ça dépend de ce qu'elle entend par brûler comme une torche, vitalement, il peut y avoir un replacement au niveau de son corps. Il peut y avoir aussi le fait que la personne ne doit pas venir m'écouter. Mais le fait, évidemment, quand le feu parti, il revienne, c'est sans doute que le résidu est un effet secondaire intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Une réaction énergétique à ce que je dis. Une réaction qui peut être une lutte de l'ego, parce que l'ego veut pas accepter des choses que le mental de la personne conçoit bien. Ça peut être une lutte simplement énergétique pour la simple raison que l'augmentation vibratoire frustre l'ego et lui fait mal. La lutte de l'ego engendre une souffrance qui peut ressembler à une brûlure. Mais s'il y a une sensation de brûlure, c'est sans doute au niveau vital, donc c'est sans doute question exclusivement d'énergie. La personne doit ajuster l'écoute des cassettes ou la venue aux conférences. Et elle doit s'arranger pour diminuer cela. Elle va chercher, elle va trouver des moyens. Ou même là, à un moment donné, on se verra puis on en parlera tous les deux. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qui cause cela? C'est une réaction énergétique. Si elle sent comme brûlée, c'est au niveau du plan vital. Donc, ce n'est qu'exclusivement énergétique. Mauvais ou bon, ça dépend de la possibilité de l'individu à supporter cette brûlure. C'est évident que la brûlure va disparaître à un moment donné. Ça va de soi. Accepter la réalité de mes imperfections n'empêche-t-il pas de m'en débarrasser? Puisque j'en souffre moins si je les accepte. Bon, on revient encore au même phénomène. Faut bien comprendre que lorsque je dis que l'homme d'aujourd'hui n'est pas intelligent, ce n'est pas une insulte, c'est une constatation de fait. L'être humain est intellectuant. Si vous entendez par intelligence l'intellectuance, alors l'humain est intelligent. Mais si on veut juste mettre des mots un petit peu plus précis pour arriver à communiquer, il y a l'intellectuance qui demande l'apprentissage et il y a l'intelligence qui est un savoir instantané. L'homme n'étant pas, si là, l'être humain, accepter la réalité de mes imperfections m'empêche, ne m'empêcherait-il pas de m'en débarrasser? Oui, si vous ne voyez pas l'intelligence de vous améliorer, vous devrez souffrir de vos imperfections. Mais si vous voyez l'intelligence de vous améliorer, ben vous acceptez la réalité, je suis cela. Bon, je suis cela. J'ai encore été en colère, c'est ça. Bon, parfait. Un jour, je serai plus en colère. Parce que c'est stupide d'être en colère. Mais j'en souffrirai pas. C'est ça que je suis. Je suis ça. Parfait. Demain, je serai autre chose. Après-demain, je serai autre chose. Pas du positivisme, que je le veuille ou non, moi, changer. Alors, la prochaine fois que je vais être en colère, je vais observer. Parce que c'est con d'être en colère. J'en souffre pas. J'accepte que je suis un être qui est encore colérique, mais je n'en souffre pas. Et ça ne m'empêche pas de changer, parce que la colère est un phénomène qui brûle de l'énergie, donc qui n'est pas écologique, donc qui n'est pas intelligent, donc qui est stupide. Alors, accepter la réalité de ses imperfections veut dire qu'on ne broye plus d'être imparfait. Comprendre l'intelligence de l'amélioration veut dire qu'on continue à évoluer, même si on n'en souffre pas. L'évolution, ça doit être facile, bordel. À un moment donné, il faut que l'humain arrive à comprendre qu'il doit, qu'il peut avancer sans broyer, sans souffrir. Je suis imparfait, tant mieux. M'as-tu changé? On verra. Bon, telle chose est conne. Ben, quand je le vois con, je le vois inintelligent, je le vois stupide. Hein, j'ai déjà expliqué le phénomène du gâteau puis de la pomme. Tu viens pour manger la pomme, là, puis le gâteau qui... Ben, tu pognes le gâteau puis tu le bouffes. Là, tu te dis, sacrableux que je suis, j'ai pas de volonté. Ben oui, t'as la volonté de prendre du gâteau. Bon, t'as de la volonté. Là, tout ce qu'il faut que tu te dises, ben, c'est ça. La pomme, c'est meilleur pour ma santé, parfait. Le lendemain matin, tu recommences, et là, c'est du gâteau. Prends-le, il bouffe-le, puis tu seras content. Mais dis-toi que la prochaine fois, tu sais, c'est pas brillant. Mais souffre-en pas. Puis à un moment donné, tu vas prendre de la pomme, parce que là, aujourd'hui, le gâteau venait assis, là. Tu sais, là, tu vas prendre de la pomme. Ben oui, sans souffrance, sans problématique, sans complication. C'est ça, j'accepte mes imperfections parce que c'est ça qu'on est. Pourquoi dire, ah, maudit, je t'ai encore comme ça. Puis après, t'es encore comme ça, justement. Puis si tu cries, t'es encore pire que tu penses que t'es. C'est un fait. Puis à un moment donné, ben on l'accepte, mais ce n'est pas intelligent. La pollution, c'est fou. C'est pollué. Tu sais, ils cessent pas de respirer parce que c'est pollué. Mais c'est fou pareil. Fait qu'on l'accepte, on fait « Ah, la bonne air pue quand on sort de la maison. » C'est relatif. Sauf que ce n'est pas parce que la pollution ne nous encrasse pas le nez, puis tous les deux heures, faut qu'on brosse ça avec une brosse, qu'il faut qu'on change pas la pollution. Elle nous fait pas souffrir, la pollution. Mais c'est con pareil. Fait qu'organisons-nous pour arrêter de polluer. Premier exemple de dépollution, dépolluer son corps, hein? On commence par des choses comme ça. Alors, on n'en souffrait pas, mais regardons, c'est brillant. Tu regardes un oiseau qui a une patte cassée, tu cries, mais j'en souffrais pas. T'es au bout. Maintenant, est-ce que c'est intelligent de l'aider? Ben oui, je pense. Bon, on l'aider pareil. C'est nécessaire de souffrir pour aider quelqu'un? Chez l'homme ancien, oui. Pas chez l'homme nouveau. Alors, on a des imperfections. Parfait. C'est normal. C'est normal, c'est naturel en même temps. Bon, observons-les. Maintenant, est-ce qu'il faut être nécessairement souffrant pour les changer? Si on est con, oui. Mais sinon, non. Ouais. Pourquoi sur le programme y a-t-il décrit avertissement « Cette brochure ne s'adresse qu'aux hommes nouveaux et femmes nouvelles. Les autres s'abstenir. » Parce que c'est la seule façon pour que toutes les autres louvent et fouillent dedans, puis c'est bon pour eux autres. Cette brochure-là s'adresse aux hommes transitifs et aux hommes anciens. Voilà. Comment vous est venu votre savoir instantané? Du jour au lendemain? Non, un peu plus vite que ça. Je souffre d'aider quelqu'un, mais je souffre plus si je ne l'aide pas. Comment m'en sortir? Oh, ça, c'est... Ça, il y avait des gens, là, vous pouvez mettre votre main comme ça, vous imaginez que c'est un miroir, puis vous regardez dedans. Je souffre d'aider quelqu'un. Cela veut dire que la personne se rend compte qu'elle se fait carrément charrier et manipuler. Elle se fait têter. Mais si elle ne le fait pas, elle se sent tellement coupable qu'elle en souffre plus. Je souffre de ne pas l'aider. Je souffre de l'aider. Mais je souffre plus de ne pas l'aider. Programmation, éducation, qui fait que l'être humain devient collectif, Et pour être sûr que les autorités vont se faire soutenir par le peuple, elles instruisent le peuple que c'est Dieu qui le veut, que c'est ceci qui le veut, que c'est cela qui le veut. Alors l'humain, à un moment donné, finit par se sentir extrêmement coupable de ne pas aider, puis en même temps se rend peut-être compte de la débilité du travail qu'elle fait. Comment s'en sortir? Karma relatif, c'est le plus gros karma que l'homme se donne, la culpabilité. Certaines personnes vont dire « Oui, mais je me sens pas coupable. » C'est autre chose. Non, non, si on fouille convenablement, on va se rendre compte que c'est une forme de culpabilité. Parce que souffrir de ne pas aider quelqu'un, c'est de la culpabilité. Souffrir de l'aider, c'est peut-être une conscientisation. On voit qu'il se passe quelque chose, qu'on se fait têter, ou que ça sert à rien, ou etc., etc. Aider quelqu'un par intelligence, ça va. L'aider parce qu'on souffre de ne pas l'aider, et que c'est être manipulé en maudit, puis veut pas, c'est souffrant. Comment s'en sortir? Ouais. Répondre en 5 minutes là pour expliquer comment s'en sortir, c'est une vraie farce. Chose certaine, c'est que la personne doit travailler sur la mécanicité de la culpabilité. J'ai fait quelques conférences là-dessus, elle peut s'y référer. Elle peut, de temps en temps, de toute façon, on va refaire des conférences sur ce phénomène, la culpabilité, parce que c'est l'un des plus grands freins que les forces d'involution donnent à l'homme. C'est un des plus grands paramètres aussi, la culpabilité. Ça commence par C-U-L, n'est-ce pas? Culpabilité, et c'est là que ça doit aller. Sauf qu'en attendant, c'est compliqué. La personne doit faire un travail massif sur cette chose. Elle n'a pas à servir les autres. Lorsqu'une personne se sert, et lorsqu'une personne se sert écologiquement, automatiquement, elle sert le reste. Mais lorsqu'une personne est assujettie à servir les autres pour ne pas vivre la culpabilité, elle se détruit et elle instruit l'autre à toujours avoir besoin d'elle. Donc, elle détruit l'autre. Il ne faut pas se sentir coupable. La personne devra faire un travail au niveau de la culpabilité. Bon, mais encore là, ça, la réponse est vraiment, c'est une réponse qui est banale comme ça. Il y a des conférences que j'ai faites là-dessus. À un moment donné, on va revenir en conférence sur la mécanicité de la culpabilité, puis sans doute que là, ça pourrait aider la personne. Il y a-t-il un moyen plus rapide et plus efficace que le temps pour arriver à comprendre et accepter la réalité? Bon, y a-t-il un moyen plus rapide et plus efficace que le temps? Oui, l'instantanéité, sauf que c'est pas de votre niveau. Parce que sinon, on poserait pas question. Bon, c'est évident. Un moyen plus rapide et plus efficace que le temps pour comprendre et accepter la réalité. Savez-vous que vous l'acceptez et vous la vivez souvent, la réalité? Le seul mot du problème, c'est que chaque fois que vous le faites, vous le savez pas. Puis chaque fois que vous pensez le savoir, vous le faites plus. Alors l'humain est divisé en deux parties. Une conception tout à fait instantanée, réelle, vraie, énergétique, pas conne, pas fausse, qui n'a pas peur, qui ne souffre pas, qui n'a pas chaud, qui n'a pas froid, qui n'a rien, qui est au-delà de ça. C'est l'homme nouveau. Et chacun d'entre vous, vous l'êtes. Mais en même temps, il y a un cocon, une espèce de bébite, une larve, de papillon qui tend à vouloir devenir quelque chose de beau. Ça sera jamais rien. Ça s'appelle l'âme. Ça veut être sauvé, ça veut qu'on l'apprie, ça veut qu'on l'aime, ça veut qu'on l'aide, ça veut qu'on y donne, ça veut qu'on la protège. Ça veut qu'on y dise que la paix va venir. Ça veut qu'on y parle pas d'apocalypse. Ça veut qu'on y botte le cul pour évoluer. Ça a besoin des maîtres, des guides, des gourous. Ça pue tout le temps, puis ça meurt, puis ça va dans le monde des morts, puis ça revient à sa planète à un moment donné. Bon, intéressant. Tout le phénomène de la réalité, vous le vivez quand? Quand vous ne le savez pas. C'est-à-dire que vous le savez, mais vous ne le mémorisez pas. Donc, vous ne pouvez pas le connaître, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le contempler. Et alors, l'homme ancien, la partie pourrie de chez l'homme, veut contempler la vie, veut contempler le bonheur, veut posséder le bonheur. Veut posséder la joie, veut posséder la jouissance, veut posséder la vie, veut posséder. Mais quand on possède quelque chose qui se promène, on le tue. On peut pas posséder. Puis il y a l'homme nouveau qui lui se contente simplement d'être là, puis quand ça passe, il le ramasse. Alors à un moment donné, vous êtes en train de faire l'amour, vous avez du fun au bout, mais vous ne le savez pas. Parce que si à un moment donné, vous vous conscientisez, c'est le fun. Elle devenir un être différent. Ça sera plus aussi fun. Vous êtes en train de jouer avec quelqu'un, vous êtes en train de vous amuser, vous avez un plaisir fou, vous êtes heureux, mais vous ne le savez pas. À l'instant où vous vous dites, maudit qu'on est bien, tu contemples ce que tu viens de vivre, mais tu ne vis plus ce que tu dis. Maudit qu'on est bien, devrait être dit, maudit qu'on était bien, parce que maintenant tu le sais. Là, tu regardes ton paysage, tu regardes ta chaise longue, ton soleil, tu regardes ce qui supposément te rend bien. Puis là, tu peux avoir hâte de rentrer de vacances. Tu le vis plus! Tu l'as en mémoire. Puis là, mon ancien se dit, là, je n'ai assez en mémoire que là, je peux rentrer. On pourrait continuer à nostalgier là-dessus, à triper là-dessus. Je prends des photos pour de temps en temps me rebooster pour que je m'en rappelle, pour me trouver, tu sais, pour recommencer à revivre ça. Mais l'être humain ne le vit plus! Vous jouez au tennis, c'est au bout! Le moindrement, vous constatez que c'est au bout, vous ne plus jouer. Là, t'es fatigué, là, vous allez vous asseoir, là, on va jaser, c'était le fun, hein? C'était... Hey, on le vit plus, là! On l'a vécu! Alors, l'être humain le vit souvent, la réalité. C'est pour ça que dans sa mémoire amique, ben, il y a toujours l'idée qu'effectivement, il fait fausse route, qu'il y a de l'illusion, qu'il y a tout un marasme. Puis il sait qu'en même temps, il y a quelque chose quelque part. Mais ce quelque chose-là n'est pas mémorisable. Donc, tant que vous êtes mémoriel à être ancien, vous ne pouvez pas le savoir. Vous pouvez connaître la trace que ça l'a laissé chez vous. Vous avez le feeling qu'il y a quelque chose à un moment donné. Mais on peut pas le mémoriser, on peut pas le connaître. On peut en parler, puis en parlant, on le spécule, on le conceptualise. Puis on continue à parfaire l'illusion. Alors, comment arriver à vivre la réalité sans passer par le temps? Ben, c'est pas compliqué. Ben, si je fais rien que prendre la feuille ici, je la lance, là. Vous avez tout été réel, la majorité, le temps que vous avez vu descendre. C'est le problème de l'apprentissage, de savoir si c'est intelligent. Pas l'apprentissage. C'est utile. Pas pareil. La première fois que je l'ai lancé, on a regardé et on était dans un état d'attente. C'est ça, la vie. Vous ne souffriez pas. Tous vos malheurs étaient partis d'être pour la majorité des individus qui ont réussi à regarder la feuille, là, puis à se demander qu'est-ce que ça faisait, là. Il n'y a même plus de pensée. Il n'y a plus rien. Vous n'étiez pas mort. Vous étiez vivant en maudit. Il n'y a plus rien. Il y avait juste de... C'est ça. Comme on devrait regarder un coucher de soleil. Comme on devrait regarder un écureuil. Comme on devrait regarder un accident. Comme ça. En l'observant, vivant. Puis après... après rien. Pourquoi après quelque chose? Après, il y a encore la vie. Tu continues à vivre. C'est simple. Ça prend pas du temps. Sauf que vu qu'on est dans un système mémoriel qui est spatio-temporalisé, ben évidemment, le temps qu'on arrive à faire en sorte que ça, ça s'amenuise, ce que j'appelle la négoïsation, qui est d'ailleurs l'un des processus, disons, de base du PMC, c'est la négoïsation, c'est la partie la plus utile à l'homme. Être négoïsé. Il fait voir son égo diminuer. Ben, lorsque l'humain suffit, arrive à être négoïsé, ben là, le temps finit par devenir autre chose. Tant qu'on a de l'ego en masse, tant qu'on a de la mémoire en masse, ben le temps est très long. Ben, ça prend du temps. Ça prend de l'illusion. Une personne ici qui écrit en style télégraphique, mais qui associe malaise articulaire, rhumatisme, arthrite à la psychosomatique. Ça demande sûrement, c'est quoi la réalité derrière ça? Bon, faut comprendre que toute forme de maladie va être induite par une succion de notre psychologie, de l'énergie vitale de notre corps physique. Juste brièvement, on y revient en conférence plus tard. Il y a eu des conférences là-dessus de toute façon, mais brièvement pour les personnes qui n'étaient pas là lors de ces conférences. C'est sûr que ça n'explique pas tout, là. Prenez ça comme une théorie pour l'instant. J'ai fait suffisamment de conférences à un moment donné pour l'expliquer, mais on n'aura pas le temps là. Puis on va y revenir de toute façon. L'âme est une sphère d'énergie qui a une enveloppe qui s'appelle le périsprit, qui s'appelle le séraphin en théologie. Et cette enveloppe est de constitution vitale. Énergie vitale qui est de l'énergie qui est l'énergie intra-atomique qui permet la structuration des atomes, des molécules, puis en fin de compte de la matière. C'est aussi l'énergie que l'acupuncture va se servir pour travailler. On la détecte avec les électroencéphalogrammes ou cardiogrammes. On la détecte aussi avec des appareils maintenant que les acupuncteurs se servent. L'âme est périsprisée. Plus la mémoire entre dans l'âme, plus l'âme gonfle. Plus l'âme gonfle, plus le périsprit devient mince. Plus il est mince, plus la personne devient susceptible, plus la personne devient influençable. Pour éviter cela, l'ego va puiser dans le corps physique de l'énergie vitale pour épaissir le périsprit. Le corps physique perdant de l'énergie vitale devient susceptible d'être malade. C'est-à-dire que l'énergie vitale étant la mémoire qui structure les atomes, lorsque dans votre estomac, par exemple, vous en puisez souvent, ben à un moment donné, l'estomac, la prolifération cellulaire ne sait plus où, comment s'orchestrer, et puis on a des problèmes d'ulcères, de cancers, etc. Partout pour le reste du corps. Donc, toutes les maladies, qu'elles soient virales, bactériennes ou carrément, disons, psychosomatiques, sont des maladies qui commencent par la psychogénèse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ego puisant dans l'énergie vitale, lorsqu'un virus pénètre, l'orchestration vitale, la structure atomique du virus, est supérieure à la structure corporelle. Donc, elle va altérer la structure corporelle du corps par la structure vitale. En fait, ça fait automatiquement que le virus engendre une maladie. Si la personne repeppe, si elle remarche, tu sais que le moral est bon, ça l'aide à guérir autant que les médicaments, ben la personne, vitalement parlant, redresse son schéma vital et elle peut détruire le virus. Malaise, rhumatisme, arthrite, il y a donc la majorité de ces phénomènes vont être peuvent être des agressions extérieures, une usure évidemment des articulations et normalement on fonctionne à partir de psychosomatose. Quelle est la psychosomatose, donc la maladie ou le phénomène psychologique, la relation entre l'âme et le corps qui permet le rhumatisme et l'arthrite? Il y en a une foule, une panoplie absolument incroyable. Ça serait un peu trop long, encore une fois, d'en parler. Ce serait vraiment une folie de vouloir embarquer là-dessus, parce qu'il y a des phénomènes karmiques, il y a des phénomènes de, disons, de retour d'argent, il y a des phénomènes de personnes qui sont avares, il y a des phénomènes de personnes qui sont avares d'énergie émotive, il y a des personnes qui veulent trop donner d'amour, il y a des personnes qui ont trop donné de choses, il y a des personnes qui sont trop insécures, il y a des personnes qui ont besoin de... En tout cas, il y a toute une panoplie de choses qui fait que si j'en parle, la personne peut dire « sac, mais c'est pas ça, moi ». Non, ça peut être d'autres choses. Existe-t-il quelque chose de plus bas en vibration que la matière, comme il existe une énergie plus haute que le supramental? Bon, ça dépend de ce qu'on entend par matière, mais lorsque, ésotériquement, on parle de matière, c'est le plan le plus bas. L'intégration des mémoires n'est-elle pas la sommation de soi-même? Juste pour revenir avec la matière, parce que dépendant évidemment de ce que la personne veut savoir au niveau du plan le plus bas, la matière, c'est un endroit où le temps est bloqué. Ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle la matière. Cette matière va évoluer, va finir par être régie par de l'énergie vitale, et cette matière va être exprimée. C'est ce que normalement l'humain appelle la matière. Bon. Intégration des mémoires n'est-elle pas l'assumation de soi-même? Non, s'assumer soi-même, ça veut simplement dire être capable de supporter ce que nous sommes. Et ça, s'assumer. Tu bégayes, supporte-le. C'est-à-dire, accepte cette réalité. À un moment donné, tu as l'énergie de ne pas bégayer, supporte-le. Mais souvent, la mémoire va dire, oui, mais moi, je bégaye. Pas dans la conscience de l'homme. Mais la personne, elle pourrait parler sans bégayer, mais elle va quand même bégayer parce qu'elle a sa mémoire. Elle ne peut pas supporter sa transformation. Et c'est un des gros, gros problèmes de l'humain qui évolue, c'est qu'il change, mais il joue toujours le jeu de ce qui était avant parce que il veut pas supporter sa transformation. En plus que lui a de la difficulté à la supporter, tout son entourage va faire en sorte qu'il la supporte pas. Bon, on manipule de cette façon-là. Bon. Alors donc, intégration des mémoires, faut s'entendre par intégrer les mémoires, mais ça, l'assumation de soi-même, c'est être capable de se supporter. Donc, à un moment donné, tu deviens plus puissant, tu as un peu plus d'autorité, tu décides de devenir premier ministre, ben la famille va dire « Ouais, non, t'es premier ministre! » Ben c'est ça. Eux autres, ils vous empêchent de le faire. À un moment donné, vous voulez trouver un emploi, vous êtes convaincu que ça peut marcher, ben supportez-vous jusqu'au bout! Et ça, s'assumer. C'est supporter. Être capable de s'accepter. Puis quand on se transforme, d'être capable de laisser faire tout de suite ce qu'on était pour accepter ce qu'on est. Il y a toujours le jeu de tomber dans le piège des concepts de ce qu'on devrait être et qu'on n'est pas. Mais ça va vous permettre encore une fois de souffrir un petit peu. Ça va vous limer un peu. Puis vous allez revenir convenable. Un peu dans la lignée de la matière, si les êtres d'une vibration supérieure ont peur de descendre dans la matière, c'est qu'ils refusent la réalité eux aussi, autant que ceux de vibration inférieure. Bon, effectivement, on s'illusionne souvent que tel palier est plus évolué globalement que l'homme. Dans un niveau, ils sont plus évolués. Le plan supramental, du point de vue supramental, est plus évolué que l'homme. Le plan mental, du point de vue mental, est plus évolué que l'astral. Sauf que la globalité finale, qui est la masse la plus évoluée réellement dans notre création, ben c'est l'homme. Parce que l'homme est capable d'avoir une tête qui lui permet d'avoir une intuition supramentale, au début astral, mais par la suite supramentale, un contact avec son esprit, tout en ayant un corps de chair. L'homme est la seule matière ayant la possibilité non seulement de parler, de penser, disons, si on peut dire, d'exprimer d'intelligence, puis de grimper. Toutes les autres n'ont pas cette faculté. La matière, c'est de la matière. Le plan vital, c'est du plan vital. Le plan spirituel, c'est évoluer, oui. Mais c'est pas capable de bouffer une pomme. C'est pas de la matière qui pense. C'est pas de la matière qui parle. C'est de la parlotte. L'homme, c'est tout cela ensemble. Ce qui est en haut a effectivement aussi des crises, d'involution. Il y a des phénomènes relativement intéressants. À un moment donné, on pourrait sans doute revenir là-dessus. Oui, les misères d'en haut. On pourrait s'appeler. Ou encore les souffrances de Dieu. Pourquoi pas? C'est différent de ce que l'humain souffre. Mais effectivement, il y a une panoplie de plaintes et de problèmes. Les dieux ne veulent pas devenir humains. C'est tout à fait normal. Quand on devient de l'homme, lorsque l'énergie intelligente devient de l'homme, ben l'homme ne sait pas ce que c'est que de l'intelligence. Lorsque l'intelligence devient l'homme, ben l'intelligence ne sait plus ce qu'elle était. C'est ce que c'est l'homme. L'homme est de l'intelligence qui a oublié. C'est-à-dire qu'il n'est plus en affinité avec la réalité. Il est maintenant en affinité avec l'éclatement du passage de l'intelligence dans la terrestrification de notre planète, c'est-à-dire avec les archétypes cosmiques, le mensonge cosmique, l'illusion. L'homme est en collaboration avec ça pour l'instant, l'homme est en relation avec ça. Lorsque les énergies intelligentes veulent descendre, ils doivent toucher de l'homme. Parce que s'ils passent à côté de l'homme, ils deviennent de la boue. Et effectivement, il n'y a pas énormément d'humains qui sont sur la planète. Il y en a suffisamment. On a 13 faisceaux d'énergie, à un moment donné, qui se sont terrestrifiés. L'un de ces 13 faisceaux est maintenant plus ou moins reparti. Il y en a 12, etc., etc. Disons qu'à un moment donné, on en reparlera. Mais c'est extrêmement intéressant de savoir qu'effectivement, dans les autres plans, il y a des problèmes. Et ces problèmes-là, vous ne les vivrez jamais parce que lorsque vous allez supporter ces plans, autrement dit, vous fusionnez avec ces plans, devenir ces plans, restant à partir du sol un être humain, vous ne souffrirez jamais ce que ces choses-là souffrent. Dans l'Antiquité, on parlait des dieux. Les dieux vivaient de jalousie, de guerre, de contrainte, de colère, de ceci, de cela. Lorsque l'être humain a grandi, a simulé ces dieux-là, ben, il est resté un dieu, mais disons un dieu par groupe. Puis à un moment donné, l'humain assimile encore ces dieux, et les souffrances de ces dieux disparaissent. Et l'homme ne vit plus les souffrances de ces dieux. Alors, effectivement, il y a des problèmes ailleurs, puis lorsqu'on va aller chercher ces personnages-là ou ces énergies-là, on règle leurs problèmes. C'est pourquoi Dieu s'intéresse tant à l'homme. Et c'est pourquoi l'homme s'intéresse tant à Dieu. Un bel exemple d'interprétation ici de ce qu'on peut dire. Tu as mentionné qu'avoir comme but dans la vie, avoir des enfants heureux, était niaiseux. J'aimerais que tu commentes un peu plus. Bon... J'ai dit ça et je n'ai pas dit ça. Avoir comme but dans la vie d'avoir des enfants heureux, effectivement, c'est pas génial. Le fait que nos enfants deviennent heureux, très intelligent. Mais d'avoir ça comme but, c'est pas génial. Parce que les enfants ont le droit d'être ce qu'ils auront à être. Les enfants ont le droit de passer par un cheminement qui peut être malheureux, qui peut être n'importe quoi, un cheminement qui sera le leur, de façon à leur permettre de devenir ce qu'ils ont à être, de façon à leur permettre de passer par les écoles qu'ils ont à passer, de façon à pouvoir grimper à leur rythme à eux. Et si on a comme but de faire en sorte qu'ils vont suivre notre cheminement, on veut qu'ils soient heureux, ben si l'enfant n'a pas besoin d'être heureux ou n'a pas passé par là dans le début ou qu'il a à construire son chemin de bonheur, ben évidemment, on le barre carrément. La majorité des parents qui se font de derrière pour avoir des enfants heureux ont des enfants malheureux. Puis évidemment, le parent est malheureux aussi. Alors, je n'ai pas dit ça pendant la conférence, mais si on pose la question, ben effectivement, avoir comme but dans la vie d'avoir des enfants heureux n'est pas nécessairement correct. Parce que là, vous risquez de souffrir en maudit. Puis en plus, vous limitez vos enfants. On va dire, ben non, si l'enfant est heureux, il va pouvoir évoluer convenablement. Parfait, c'est quoi? Qu'est-ce qui va rendre heureux l'enfant? Ben, on va y demander. Ben, demande-y pas, laisse-le faire d'abord. Il sait. Puis si on y demande, puis il dit, ben moi, j'aimerais fumer un joint. Non, non, non, non, c'est pas ça, là. C'est ça. De l'enfant, là, on le barre. On va peut-être y créer, à un moment donné, on va le droguer avec notre spiritualité du bonheur, mais à un moment donné, il va finir par se désillusionner, lui, avec, puis il va faire une crise, puis il va finir par se sortir de ce bonheur fictif. Alors, on a des enfants, non pas pour les rendre heureux. Les enfants, on ne les a pas pour quelque chose. Les enfants, c'est une procréation, une continuité génétique et réincarnationnelle du phénomène de l'évolution des humanités. C'est un phénomène intéressant et utile. On n'a pas un enfant pour apprendre de lui, on n'a pas un enfant pour lui enseigner, on n'a pas un enfant pour l'instruire, on n'a pas un enfant pour fonder une communauté, on n'a pas un enfant pour lui gratter les cheveux. On n'a pas un enfant pour le rendre heureux. L'enfant va être heureux à l'exclusive condition qu'il reste libre d'être lui. Mais s'il est heureux comme ça, les parents, s'ils sont conceptualisés, risquent eux d'être malheureux d'avoir un enfant comme ça. Mais c'est pas un but. Pourquoi le Nazaréen vieillissait-il s'il était l'esprit? Très bonne question. Premièrement, qui dit que le Nazaréen vieillissait? Deuxièmement, le Nazaréen a eu sa fusion après sa crucifixion, donc il était de l'esprit parfait et parfaitement pur après la crucifixion, pas avant. Il a pu vieillir après, même que son corps, il l'a dissous en dedans de 3-4 minutes dans le tombeau. Hein, on l'a pas retrouvé parce qu'il l'avait terrifié. Bon, alors le Nazaréen a vieilli le temps de son enfance. Il a vieilli parce qu'à un moment donné, quand il a vu son père mourir d'un accident, ben évidemment, ça l'a traumatisé un peu. Il a vieilli. Vers l'âge de 12-13 ans, donc un peu avant la disparition de son père, ben il a découvert qu'effectivement, il y avait un ciel, qu'il y avait un père, qu'il y avait quelque chose qui avait créé son ego. Il a découvert qu'il était en relation avec quelque chose. Alors à un moment donné, il a été suffisamment en relation avec cette chose pour dire à ses parents que vous n'êtes plus mes parents. Je relève d'un autre chose, d'un autre domaine. À un moment donné, du Père dans le ciel, il est passé au Père dans les cieux, parce qu'il vient de comprendre que le Père dans le ciel était une farce et une illusion, utile pour l'humanité, mais était seulement une marche. Alors, au fur et à mesure qu'il avançait, on lui disait, « Oui, mais tout ce que tu sais, pourquoi tu ne vas pas le dire? » Alors, il répondait, « Mon heure n'est pas venue. » C'était pas le temps, il manquait des choses. Puis à un moment donné, vers l'âge de 30 ans, ben là, c'était le temps de commencer à parler parce que l'expression d'intelligence lui permettait d'entrer en contact avec lui-même et de faire une fusion. Le Nazaréen a donc créé un dôme éthérique. Il devait finaliser cette fusion en pénétrant le monde de la mort. Et pour pénétrer le monde de la mort, pour finaliser la purification du petit ego qui lui restait, ben il devait passer par une démarche abracadabrante, la croix. Et lorsqu'il a été crucifié, lorsqu'il est revenu, ben alors là, il n'a plus vieilli. Là, il était de l'esprit. Mais il n'était pas de l'esprit à la naissance. À 12 ans, il a découvert qu'il était quelque chose. Un peu plus tard, il a découvert d'autres choses. À un moment donné, on lui demande « Qui es-tu? Je suis le fils unique de Dieu. » À un moment donné, « Qui es-tu? Je suis le fils unique de Dieu dans les cieux, puis le ciel. » À un moment donné, « Qui es-tu? Je suis. » Ça. Mais quand il a commencé à être, ben, il a finalisé ces phénomènes-là au niveau du corps. Il y avait un corps de lumière. D'ailleurs, c'est ce corps éthérique-là qui est apparu devant les apôtres par la suite. Et là, il vieillissait plus. Chacun a son cheminement à faire. Lorsque Dieu descend sa planète, c'est un homme. C'est pas un dieu. Le Nazaréen était un homme. C'est pas un dieu. Il est devenu. Puis, tu sais, il a pas reçu ça gratuitement, hein. Il a payé un tabarnouche. Qui était Léonard de Vinci? Un collègue. Ah non, je parle. Non, c'est la question. C'est écrit un autre médecin. Je parle à lui. Là. Léonard de Vinci, c'était Lazare. Pas la personne devrait comprendre ce que c'est. Ou le comte de Saint-Germain. J'ai un problème qui m'empêche de fonctionner. Même avec acceptation et un travail sur moi, je n'arrive pas à m'en sortir. Que se passe-t-il? Bon, la question est un peu floue. Disons que ce serait plus intéressant d'aller fouiller un peu plus loin avec une question plus claire. Le travail sur moi, qu'est-ce que c'est le travail sur moi? Le contrôle d'un concept qui veut contrôler un autre concept, une partie de l'ego qui veut contrôler une partie de l'ego, c'est souvent ce qui arrive lorsqu'on fait un travail sur soi. Qu'est-ce que c'est que le travail sur soi? Essayez de comprendre que on peut faire un travail sur son corps. On peut le rendre plus souple. On peut le rendre plus en santé. On peut le rendre plus apte à survivre. Le corps survit. On peut le rendre plus apte à assimiler de la nourriture, de l'eau, à fonctionner, à résister aux attaques, aux maladies. On fait un travail sur le corps. Pas sur soi, sur le corps. On peut faire un travail sur son corps vital. Dormir mieux, manger des choses vivantes, prendre du soleil, marcher du pied sur la terre, mouiller si possible, dans la forêt si possible. Et sûr que dans son pot de fleurs, c'est pas génial. Bon. Alors, on fait un travail sur son corps vital. Mais lorsqu'on arrive à travailler sur soi, on veut dire quoi? Travailler sur son ego, ça veut dire l'instruire. Mais l'instruire veut dire que on l'intelligencie. Cela veut dire qu'à un moment donné, t'as fait une connerie pis tu te dis, gars, comment c'était stupide. Mais toi, tu penses pas que t'es stupide. Parce que si tu vois que c'était stupide, c'est que t'es intelligent, tu le sais. Et c'est tout. Là, on fait un travail sur son ego. Mais la majorité des individus qui font un travail sur soi font quoi? Ils se coupent normalement carrément de la réalité, carrément de la vie. Ils partent avec leur concept, leur illusion. Et puis là, ils font un travail sur leurs autres concepts. Travail sur soi. Ben évidemment, ça donne pas de résultats extraordinaires. Êtes-vous capable de faire un travail sur vous? Être capable de descendre marcher dans la rue de temps en temps, puis juste respirer, puis juste prendre conscience des jambes qui marchent, puis juste prendre conscience qu'on est dehors. Sans Walkman, là. Êtes-vous capable de temps en temps d'aller sur la montagne puis faire la même chose? Êtes-vous capable de juste vous asseoir à un moment donné puis bouffer quelque chose puis prendre conscience que vous mangez quelque chose? Ça, c'est faire un travail sur la vie. Ça, c'est demander à la vie de faire un travail sur soi. Là, on est sûr de pas se prendre au sérieux puis on est sûr de travailler convenablement. Là, on va dire, oui, mais ça l'a changé quoi? Ben, quand tu t'observes, peut-être rien. Mais le temps que tu l'as fait, tu vivais. Êtes-vous capable de faire ce genre de choses? Ça, faire un travail sur soi. L'évolution, ça se fait dans la vie. Alors, c'est compliqué parce que qu'est-ce que c'est que le travail sur soi? J'ai un problème qui m'empêche de fonctionner avec même avec acceptation. Faire attention. Cesser de refuser la réalité. Il y a une différence entre accepter la réalité et tolérer les choses. Bon. Même avec acceptation. Quel niveau d'acceptation? Et un travail sur moi. Quel est le travail sur soi? Je n'arrive pas à m'en sortir, que se passe-t-il? Donc, vérifier. Vous savez, moi, j'ai un problème. C'est pas vrai, là. Je donne un exemple. Un problème majeur, j'ai peur des chats. Alors, je vais dire, qu'est-ce qui a pu m'arriver dans le passé, qui a pu me traumatiser, qui a pu... Sainte. La même sainte que tout à l'heure. Oubliez ça! Qu'est-ce qui a pu vous arriver dans le passé? Vous avez peur des chats, si tu es intelligent, on commence là à travailler. On va pas fouiller dans le passé. Le travail sur soi est souvent un travail de même. Faut faire attention au travail sur soi. Je dis pas que c'est pas moi que c'est mauvais, mais la majorité des travails sur soi sont des travails de guerre d'ego, de guerre interne au niveau de l'ego qui, à fin de compte, n'amène à rien. Alors, effectivement, l'humain s'en sort pas. Qu'est-ce qui arrive? Ça dépend du travail sur soi. Avant de naître, sommes-nous un esprit qui choisit expressément son mode d'évolution? Est-ce le karma, c'est-à-dire une loi de cause à effet? Bon, ça fait partie de l'enseignement de l'Antiquité qui a été véhiculé jusqu'à aujourd'hui. Je réponds, la personne qui veut plus d'informations, il y a différentes conférences que j'ai faites sur enfin, la réincarnation, entre autres, les mécanismes de la réincarnation, la vérité sur la réincarnation, ces choses-là. Avant de naître, nous ne sommes pas. La personne qui pose la question avant de naître n'est pas un esprit, elle est une âme. Et l'esprit va se servir de l'âme à un moment donné pour venir expérimenter des choses sur la planète. Et la majorité des personnes sont des égos qui évoluent. C'est l'âme. Quelque chose qui est l'esprit dedans, vous ne connaissez pas encore ou à peine. Ça va venir. Alors donc, l'esprit ne choisit pas un corps. Et c'est le corps qui choisit l'âme. Et c'est le corps qui choisit l'esprit. Ben à manger. Tout fonctionne par attraction mémorielle. Vous, à un moment donné, il y a un corps qui est créé par un stimuli génétique. Le code génétique, l'ADN du père et de la mère qui se mélange, crée quelque chose. Un être humain. Ça, ça a une résonance vibratoire qui attire autour des choses. La première chose que ça l'attire, c'est l'esprit. La deuxième chose que l'esprit du plan moronciel, parce que normalement, il reste là après la mort. La deuxième chose que ça l'attire, c'est des parties de l'âme qui sont en correspondance avec, selon les paliers du plan du monde de la mort, et ces paliers vont être orchestrés par la giration des planètes qui les attirent. Et ça crée un individu qui, à un moment donné, par fusion à l'adolescence, va devenir vous. Mais c'est faux de dire que, à un moment donné, après avoir feuilleté le livre de toutes nos conneries, puis d'avoir regardé la feuille de nos bonnes choses, là, on dit, je vais aller sur la planète. Ouais, l'homme est tellement médiocre, il pense que c'est comme ça. Là, je vais maintenant aller à sa planète pour apprendre ce que j'ai pas appris. Mais sacre bleu, si vous savez ce que vous devez apprendre, c'est que vous l'avez appris. Hein? Mais allez apprendre que 5 à 5 font 10, là. Bon. Ouais. C'est comique. Et là, je vais prendre tel corps, m'envoie telle expérience, telle chose. Puis quand j'arrive sur la planète, j'oublie tout, parce que si je m'en rappellerais, j'éviterais les erreurs, les leçons, les examens. Voyons donc, un professeur qui bat ses propres examens et connaît les réponses. L'être humain est... on l'a instruit de cela parce que l'être humain était suffisamment orgueilleux qu'il n'aurait accepté aucune autre forme d'instruction. Mais là, aujourd'hui, il faut comprendre des choses d'une façon peut-être plus réelle. L'être humain ne choisit pas son plan de vie, il ne choisit pas son corps, c'est plutôt le plan de vie qu'il choisit et le corps qui choisit l'homme. Remarquez ceci, vous avez un cerveau qui est magané, vous n'aurez pas une âme intelligente. Pourquoi? C'est le cerveau qui attire la chose. Vous avez un système endocrinien qui fait que vous êtes toujours en train de vouloir faire de la sexualité, c'est pas votre âme qui est mauvaise. pas. C'est pas vous qui avez choisi ce corps-là. Tiens, il va prendre un corps avec vos bandits. Tiens. Tiens. C'est pas vous qui choisissez ça. Sauf que le corps, il est neurologiquement, il est bâti assez que le médecin, à un moment donné, ben le médecin peut-être pas, mais les savants sont capables d'arriver à tripoter le code génétique, bâtir un corps qui va attirer quelque chose d'autre. C'est pas nécessairement intelligent pour l'instant, de toute façon, il n'y arrivera pas tout de suite. Mais c'est une chose qu'on peut faire. Alors, lorsqu'un corps physique, le gars est toujours ou la fille est toujours en train de faire ceci ou cela, ben, faut comprendre que ce qui est dedans a été attiré par le corps. Transformant le corps, on transforme aussi ce qui est dedans. D'où l'intelligence du yoga. De moins en moins, mais ça l'a donné des résultats intéressants. L'intelligence des arts martiaux, l'intelligence des techniques de méditation, de respiration, l'intelligence des techniques alimentaires. Puis ça transforme le corps, ça transforme l'humain. À un moment donné, à force de battre le corps, on finit par donner quelque chose à l'âme, à l'ego. Ça transforme la chose. Le corps aussi se transforme. Et c'est pourquoi la cellularisation d'évolution est transmissible génétiquement, et c'est pourquoi que l'être humain évolue. De père en fils, de mère en fils. Alors donc, à la réponse, ben non. Le bonheur est mêlé à la souffrance, c'est pour ça qu'on l'accepte. C'est le prix à payer. Faut-il renoncer au bonheur? Ah, ça, c'est génial. C'est un fait que le bonheur, au bonheur est accolé le malheur. Donc, évidemment, la friction entre les deux, la souffrance. Pour ne pas souffrir, faut-il renoncer au bonheur? Le gars qui marche à pied, à un moment donné, il voit une Lada. Il est emballé. Il embarque là-dedans, puis il marche. Et pour avoir une Rolls Royce, il faudra qu'il renonce à sa Lada. Ben, à moins qu'il mette la Lada dans Rolls Royce. Mais si ça soit encore dans la Lada, il ira pas plus vite. On va pas se remettre dans la valise, mais bon. Le bonheur, c'est quelque chose d'intéressant, mais qui est pas bien ben plus haut qu'une Lada. Ben, bon char, la Lada, pour le prix qu'on paye. Tu sais, il veut dire, si tu te prends un char à 4 500$, tu t'entends pas avoir un résultat de 12 000$. C'est un très bon char pour le prix qu'on paye. Sauf que l'être humain veut payer 4 500$ pour avoir une Rolls Royce. Fait que là, c'est là qu'il gueule contre sa Lada. C'est là qu'il souffre. Ben oui. Le bonheur, c'est quoi le bonheur? Ben le bonheur, c'est un peu comme une Lada. Le gars qui marche à pied, quand il voit ça, il est emballé. Il y a d'autres choses en haut du bonheur. Alors, renoncer au bonheur, c'est renoncer aux souffrances. C'est renoncer à Lada. Bon. Alors, on va dire, oui, mais qu'est-ce qu'il y a après? Si tu renonces au bonheur, tu renonces à la souffrance, tu renonces au malheur. Qu'est-ce qui reste après? Il reste un être humain qui va être drôlement plus lucide, puis il saura en maudit ce qui reste après. C'est pas nécessaire, je dis, ça vaut pas la peine. Trop en parler, c'est mettre une carotte encore en avant des humains. Cette carotte-là devient une recherche du bonheur, ils trouveront pas la carotte. Quand l'humain renonce à quelque chose, puis à l'autre chose, tu sais, oui, mais la boisson, c'est ma sécurité, faut-tu que je renonce à ma sécurité? Ben, si tu renonces à la boisson, oui, ça risque d'être intéressant. On peut pallier, mais ça va être tough. Si la personne renonce au bonheur, ben effectivement, elle va découvrir quelque chose de supérieur au bonheur, mais encore un phénomène qui ne va être vécu que dans l'instantanéité, un phénomène qui ne pourra pas être mémorisable, un phénomène que vous ne pourrez pas parler. Comment ça a été ta journée? T'as été heureux? Question niaiseuse. T'étais vivant! Fait que ça, bon, mais c'est au-delà du bonheur. Faut pas avoir peur. Quand on abandonne les lados, il y a d'autres choses. Peut-on ne plus souffrir lorsqu'on aime une personne et que cette personne ne nous aime plus? Si on aime la personne intelligemment, ben évidemment, on ne souffre plus. Si on aime la personne psychologiquement, donc comme l'homme ancien, c'est-à-dire sélectivement, possessivement, on va continuer à souffrir. Vous savez que pour aimer quelqu'un, on n'a pas besoin qu'il nous aime. Dans de l'amour intelligent, je vous parle. Bon. Alors, la personne, peut-on ne plus souffrir lorsqu'on aime une personne et que cette personne ne nous aime pas? Mais si vous l'aimez possessivement, vous allez souffrir. Si vous l'aimez intelligemment, ça veut dire que vous aimez cette personne-là autant que vous aimez Claude. Là, vous l'aimez intelligemment. Mais si vous aimez la personne plus que Claude, vous l'aimez sélectivement. Vous sélectionnez votre amour. Vous en mettez plus sur elle que sur lui. Vous jouez avec un jeu dangereux. L'amour, c'est partout. Ça va partout. Quand l'homme orgueilleux, programmé, mémoriel, ancien, veut absolument apprendre l'amour qui est partout, c'est comme de dire que je mets plus d'air ici que là, il va y avoir un vide là qui va attirer l'air là. Mais toute l'énergie que me mettre pour la garder ici, c'est la souffrance de l'amour psychologique de l'homme. Vous aimez moins Claude que l'autre? Vous allez souffrir parce que c'est un amour qui est insensé. C'est un amour sélectif, c'est un amour comme toute l'humanité en vit un. Si on aime d'amour intelligent, cela veut dire que l'on comprend, cela veut dire que l'on respecte. L'autre nous aime pas. En partant, c'est typique de l'amour sélectif de l'homme ancien, parce que sinon, ben l'autre nous aime pas, ça nous rentre même pas dans la tête. D'un amour intelligent, on n'a pas besoin que l'autre nous aime. L'amour, c'est partout, c'est là, c'est comme de l'air. Là, je respire. T'as-tu expiré pour que je respire mieux? C'est ça, le phénomène de l'amour. C'est le même maudit phénomène. Je t'aime, tu m'aimes-tu? Plus qu'il m'aime, plus je l'aime. Plus t'expires, plus je respire. Plus je respire, plus j'expire. Plus j'expire, plus tu respires. Tu sais? Ça, c'est si on veut avoir le monopole du contrôle de l'air. Ben, l'amour, c'est le même maudit phénomène. C'est quoi une respiration intelligente? Ben, tu respires ce qu'il y a, puis il y en a partout. T'en souffres pas, puis c'est parfait. T'es sécure, t'en demandes pas. T'as pas besoin d'en ramasser plus, il y en a. L'amour intelligent, c'est le même phénomène. L'humain en a besoin, parce que c'est comme s'il a besoin de plus d'air. Non, il peut pas le vouloir le ramasser. Il est là, il veut ramasser de l'air, tout l'air qu'il ramène s'en va là. L'énergie qu'il perd, souffrance de l'amour. Alors, la personne ici, ben, vu qu'elle aime d'un amour sélectif, elle risque fortement de souffrir. Si elle respecte l'autre, automatiquement, elle dira plus, même plus. Ça n'a rien à voir. Un amour intelligent. Ceux que ça peut être intéressé, je refais demain soir la conférence « Savoir reconnaître un enfant nouveau ». Je répète pas, mais on poursuit. Et la semaine prochaine, la conférence, je ne sais pas le titre, je le verrai bien en temps et lieu. La mort n'existe pas, ben ça c'est intéressant. Alors ceux qui sont intéressés, justement, c'est intéressant. C'est bienvenu. Alors, bonne fin de semaine. Merci Daniel. Je m'en voudrais de ne pas assez mentionner le...